Mademoiselle Carrare, par Jean Rameau. Extrait des mémoires du comte de Polastrug. 25 mars. Je crois que je l'ai trouvée. Celle-là, si elle veut. Pourquoi ne voudrait-elle pas? Suis-je un monstre? D'ailleurs, mon nom, ma fortune. Non, Mademoiselle Anita ne fera pas la fine bouche. Elle n'a pas le sou, mais je cherche un cœur plutôt qu'une dot. Je ne sais pas encore ce qu'est le cœur de cette personne, mais il saute aux yeux que ce cœur est admirablement encadré. Quel charmant petit corps, les épaules, et le visage, la bouche, ah, cette bouche. On présume que le créateur qui en a fait tant a été content de lui, après avoir fait celle-là. Aussi l'a-t-il signé. En effet, au coin gauche de la lèvre inférieure, Anita porte un grain de beauté qui a l'air d'une petite mouche bleue. C'est évidemment la signature du maître des maîtres. Nous allons tâcher de mettre ce chef-d'œuvre dans notre collection. 28 mars. C'est bien le coup de foudre. Je l'ai revu. Son image brûle mes yeux. Sa bouche, accolade rose, m'apparaît sur ce papier et me sourit. Or, ses sourires ont une lumière. Des pigeons blancs, dont tous les cœurs voudraient être les colombiers. Je crois qu'il en est entré un en moi. J'en sens les ailes. Quel pinceau imbibé de rosée et de pourpre dessine la collade pure de cette bouche. Quand cela remue un peu, on entrevoit des dents fines et luisantes. Et l'on n'a plus qu'un désir, être une pomme, pour se sentir mordu par elle. Serais-je pomme ou poire? 4 avril. Poire, hélas, tout ce qu'il y a de plus poire. Je me suis arrangé de façon à la rencontrer souvent chez elle ou ailleurs. Hier, je lui ai fait une déclaration lyrique. Ma voix avait le tremblement de rigueur. Mon œil, le rayon réglementaire. M'a-t-elle entendu, vu? Elle n'a pas plus bougé que le buste de Marie-Antoinette devant quoi cela se passait. Cette froideur me fut pénible. Jean Destieux, qui était là, m'a dit à l'oreille, « Tu fais la cour à cette coquette. » Pauvre, pauvre, on l'appelle Mademoiselle Carrare. Ce surnom me semble juste, oui. Un bloc de marbre sur lequel tout glisse, aveux, prières et même larmes. Eh bien, on pleurera s'il le faut, mais on l'attendrira. 13 avril. Chose bizarre, il y a beaucoup de glace chez elle. Des miroirs traînent sur les consoles. Et Mademoiselle Carrare s'y regarde fréquemment. C'est pour ses cheveux, où il y a une mèche à redresser, ou bien pour son corsage, où il y a un pli à corriger. Dans une encoignure, deux de ces glaces, placées en équerre, permettent de se voir de profil. Elle ne l'ignore pas. J'ai découvert une autre glace en face du siège que l'occupe les jours de réception, de sorte qu'elle se sourit à elle-même, en ayant l'air de sourire à d'autres. Cet amour pour les glaces m'incite à lui faire une proposition hardie. « Mademoiselle, ne voudriez-vous pas connaître une psyché empire avec deux sphinx de bronze pour pied et un aigle doré pour couronnement ?» Elle appartient à la reine Hortense. Ayant reflété des visages royaux, elle serait peut-être digne. Où peut-on la voir, monsieur? Chez moi, demain, de 5 à 7. Venez donc, je vous adore. Elle a souri. Il n'y avait aucune glace devant elle. Je crois qu'elle viendra. 15 avril. Elle est venue. Cette psyché n'a pas plus appartenu à la reine Hortense qu'à la reine Pédoc, mais il n'importe. Elle l'a trouvée belle puisqu'elle a pu s'y mirer de pied en cap. Je lui ai présenté en outre les miroirs de Marie Stuart, de la belle Corisande et de la princesse de Lamballe, car je ne pouvais manquer d'avoir ces diverses reliques. Celui de Marie Stuart, elle l'a baisé pieusement sans fermer les yeux. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pu lui dérober, sans qu'elle eût l'air de s'en apercevoir, quelques menus baisers sur les joues, les cheveux, le menton. Mais la petite mouche bleue au coin de la lèvre, non, je n'ai pas osé. J'essaierai un autre jour. Je vais tâcher de lui montrer le miroir de la du Barry. 19 avril. Ça n'a pas donné grand-chose, le miroir de la du Barry. Impossible d'attraper la mouche bleue. Jamais, je le crains, je n'aurai un baiser d'elle. Quoi revient-elle donc? Elle pourrait trouver autant de miroirs ailleurs, chez un miroitier, par exemple. J'ai envie de faire une expérience, la recevoir dans ma chambre de photographie, où il n'y a pas une seule glace. 23 avril. Hosanna, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais couchons cela par écrit pour l'émerveillement de mes vieux jours. Je l'ai reçu dans mon laboratoire. D'abord, consternation, ces murs nus, sans la moindre glace, pauvrette. L'air d'une malheureuse qu'on a voulu égarer dans un désert. J'eus pitié d'elle. Je tombai à ses pieds et lui dis des choses folles, tendres, désespérées, qui auraient amolli un roc. Et j'étais bien sincère cette fois. « Voulez-vous donc ma mort ? » soupirai-je. Peu à peu, en la suppliant, j'étais arrivé près d'elle, sous le jour creux de la fenêtre. Nos visages se touchaient presque. J'ouvris mes yeux tout grands. Je lui jetai un regard éperdu. Que se passa-t-il en elle alors ? Ses traits se détendirent, sa figure s'illumina, et tout à coup je sentis ses lèvres sur mes yeux. Oui, sa bouche, sa divine bouche, baisa mes yeux tour à tour. « Oh ! Tu m'aimes donc ? » m'écriai-je ébloui. « Enfin ! Ah, j'ai trop de bonheur. J'en pleure, tu vois. Mon amour, ma femme, mon épouse devant Dieu. Je vais demander ta main, tu sais, demain, à tes parents. Comme notre vie va être belle. Un miracle. Donne-moi un autre baiser, un bon pour nos fiançailles. Viens, viens !» Elle recula et partit avec un léger éclat de rire. « Qu'importe, j'ai eu un premier baiser. Attendons, j'en aurai d'autres. » 29 juillet. Je peux reprendre mon stylo après 3 mois de fièvre, de délire. Quel coup de massue! Le lendemain du jour où Mademoiselle Carrard avait eu la bonté de me baiser les yeux, mon ami Jean vint me voir, et j'eus la candeur de lui avouer ma bonne fortune. Il s'étonna fort. « Vraiment ? Elle t'a baisé les yeux, raconte. » Je lui expliquai tout. Les circonstances, l'endroit, les diverses péripéties. Je le menai au laboratoire dépourvu de miroir, lui montrai la place où j'étais tombé à genoux, celle où Anita était assise. J'en écoutais, attentif, méfiant. « Remets-moi donc à genoux, me dit-il, comme tu étais. Moi, je vais m'asseoir dans son fauteuil à elle. Bien. Regarde-moi. Plus près. » Ah, tout s'explique. Cet éclairage. Et Jean ajouta, ironique un peu, « Je me vois dans tes yeux, mon cher. Cette demoiselle a dû s'y voir aussi. Et c'est à elle-même qu'elle a donné ce baiser. Elle s'aime tant, Mademoiselle Carrard. Quelle découverte. J'ai failli en mourir. Mais je reviens à la santé, à la raison. Pour mon PPC, pour prendre congé, je vais faire un cadeau à cette jeune fille. 2 yeux de verre que je trouverai chez un oculiste. Elle pourra s'y baiser comme dans les miens. Et ceux-là ne pleureront pas. » C'était Mademoiselle Carrard par Jean Rameau.